Romains chapitre 16. Je vous recommande notre sœur Phobée, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez selon le Seigneur, comme il faut recevoir les saints, et que vous l'assistiez en tout ce dont elle aura besoin, car elle a exercé l'hospitalité à l'égard de plusieurs, et même à mon égard. Saluez Priscille et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont soumis leur coup pour ma vie, et auxquels je ne rends pas grâce moi seul, mais aussi toutes les églises des gentils. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épénète mon bien-aimé, qui est les prémices d'Achaïe en Christ. Saluez Marie, qui a fort travaillé pour nous. Saluez Andronique et Junia à mes cousins, qui ont été prisonniers avec moi, et qui sont distingués parmi les apôtres, et qui même ont été avant moi en Christ. Saluez Amplia, mon bien-aimé au Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachy mon bien-aimé. Saluez Apelles, approuvé en Christ. Saluez ceux de chez Aristobule. Saluez Hérodion, mon cousin. Saluez ceux de chez Narcisse, qui sont en notre Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, lesquels travaillent en notre Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé en notre Seigneur. Saluez Rufus, élu au Seigneur, et sa mère, que je regarde comme la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Herma, Patroba, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, et Olympa, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous l'un l'autre par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. Or je vous exhorte, mes frères, de prendre garde à ceux qui causent des divisions, et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et de vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par de douces paroles et des flatteries, ils séduisent les cœurs des simples. Car votre obéissance est venue à la connaissance de tous. Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez prudents quant au bien, et simples quant au mal. Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, comme aussi Lucius, et Jason, et Sosipaté, mes cousins. Moi, Tertius qui ai écrit cette épître, je vous salue en notre Seigneur. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste le procureur de la ville, vous salue, et Quartus, notre frère. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Or à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile, et selon la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère, qui a été caché dans les temps passés, mais qui est maintenant manifesté par les Écritures des prophètes, suivant le commandement du Dieu éternel, et qui est annoncé parmi tous les peuples pour les amener à la foi. À Dieu, dis-je, seul sage, soit gloire éternellement par Jésus-Christ. Amen.